Bilan 1, page 172. Exercice 1. A. Leur boulanger est fermé. B. Votre étudiante est très drôle. C. Mon avocat est parti. D. Notre marchande est à gauche. E. Pascal, c'est ton ami suisse ?